Nous demandons d'abord Franck Étienne, écrivain, peintre, professeur l'école, qui t'a écrit Pelle en tête, Trouffe au banc, Casser les os, Bobo Massouri, Toto Lomanuel. Nous demandons comment t'es ouais la rue le 28 novembre 80. Bon, Michel, et au bon Montilougal pour me parler. Je commencé par dire que le 28 novembre commence, c'est-à-dire opération. 28 novembre, qui est opération Ratiboisaille, régime Duvalier Bennett avec tout un collectif sous flanture. Opération ça a commencé depuis 20 midi, balancé 2h de l'après-midi, même pas comme ça. Ça qui est de la Michel, c'est l'enduel qui est la même, bon palais, m'a acheté des oranges à 4h de l'après-midi. Par contre, bagaille comme ça, parce que je m'a fait coup l'école là. Je suis sorti de l'école là, vendredi 28 novembre 1980, ça. Je suis sorti, je vais acheter des oranges. Dans le marchand des oranges, marchand des chadettes, marchand des cours au sol, je suis un garçon ma gomme, à la fin de bon coup de temps, on a discuté des prix. Je montre la caméra de 6h. 6h, bah, c'est 6h et quoi. Je vais montrer la caméra, tout le monde sous le balcon. Il y a tant de monde. C'est que entre temps pas l'école là, yo téléphoné l'école là, yo pas joindre moi, et puis mon yo 2h de temps passé de l'air au téléphone à 4h à 6h par même, yo connaît que m'embarquer tout, yo pas tout la machine minuit, mais oui machine est fait la gueule vraiment. D'autant plus que c'est bagarre plus monde connaît, d'autant plus que nèg yo l'en procès yo Michel yo cité nom dans procès qu'a fait procès et a fait civil code procès vieille là, accusation condamné civil pour 15 ans prison. Vous citez nom, mais c'est pas ça absurde. Ou pas qu'à citer nom que réunion politique fait la caméra. Oui, c'est vrai. Tout le monde te connaît, pile monde te connaît, réunion politique fait la caméra avec un pile camarade. Et pour citer nom, non, pour citer, ou pas même relève comme témoin. Non, c'est pas qui drôle. Donc, alors, mon yon même la caméra, madame, moi, je connais que réunion est faite. C'est pas au vieux sud, même bonne, tout le monde est là, regardez les réunions faites. Je connais que je ne suis pas capable de prendre. Et jusque-là, Michel, je dois dire que je suis capable d'aller avec nous dans le chargement que vous avez pour nous prendre. Jusqu'à présent, je ne sais pas qui ça le fait pour moi. Nous sommes miraculés. Moi-même, ça dit que nous sommes homme, comme le peuple a dit, nous prenons un bain. Nous prenons quelques bains, nous prenons. Et bien, ça tellement son bain qui fort. Michel, je dois dire ça. Pour là-bas, ça c'est pas parlé parce que les nègres là-bas, ou vivent là-bas, ou qui gens là-bas fonctionnent diaspora. Je n'ai pas de contact diaspora, ou à certains points de vue qui j'ai fonctionné. C'est que ma coutisse, la terroriste, était traversée juste là-bas. C'est que son bagage qui était imprégné haïtien jusqu'où il y a Michel Lagoum avec lui, une attitude makoutique, même quand il y a monde qui dit qu'il y a pour démocratie. Mon bagage makoutique, la caillou, son bagage a pris un temps pour sortir parce que son intoxication lui. Par contre, 5 ans, 10 ans. Ça a passé mes bons travails qui vous faites pour nous débarrasser, retirer toutes les toxines qui empoisonnent ça. Et bien, mon cher là-bas, je accepte que vous même arrivé à dire que vous avez de la confiolo avec les duvaliers. Vous comprenez, mais c'est quand, Michel, vous avez la coupe pour prendre avec vous. Le fait que vous avez tellement de rôle, vous ne pouvez pas comprendre qui je ne fais pas prendre. Pendant longtemps, vous avez dit que vous n'êtes pas en bas, là, en bas, qu'on est en bas de table avec vous. Parce que, il n'y a pas moyen, je ne sais pas pour qui ça. Non, mais, faut dire tout un bagage que nous-mêmes nous réalisons, nous vivons l'autre bord. C'est que l'IS là, c'est une liste extrêmement longue. Il prend certains mondes sous l'IS là. Il n'y a pas jamais réussi à exécuter l'IS là. Parce que ça a été espéré, c'est que le bagage a éclaté le 28 novembre, qui c'est Thanksgiving aux États-Unis, que pas de personne, l'autre bord, t'as pas protesté. C'est ça. Et le problème, c'est que barrage protestation d'associations professionnelles, associations droits de l'homme, commençait à arriver depuis le samedi. Ce qui expliquait qu'ils ont expulsé un groupe depuis le mardi. Et nous réalisons après que on série toute liste là. C'est par exemple police dominicaine qui était reste liste là. Donc il y a des gens après, ils ne vont jamais arrêter, mais qu'ils voyagent en République dominicaine et ils ont trouvé sous liste. Était sous liste originale arrestation qui pas jamais fait. Pas jamais fait exécuter. Pour quelle raison on dit où sont rescapés? Ah, sont rescapés. Donc à l'église, d'autant plus que nègre pendant longtemps accusé que m'était un nègre avec affaire de pelle en tête qui chauffait ce bel peuple là. Je t'appelle des deals, bon monde qui l'a je te dis, et même dans le palais national, tout le monde te dit. Mais ça pire de là. Le Alec il est montré la caille, mon mouche, dans l'état mon yo, donc mon yo. Connais que normalement, j'étais fait pour moi. Il est montré, mon yo, pratiquement c'est diable. Il dit ça passé, il dit, oh, c'est sur Radio Haïti, mon là. Ou pas, ou bien entendez, il est ça, c'était bon. Il attendait. Qui te gagné, nous annonce. Peut-être chaque 5 ou 10 minutes, qui t'a dit que directeur non pas là, il prend Brisson, il prend la Fontaine, c'est la Fontaine Joseph, il prend la Fontaine Joseph de deux heures, la tribunal même, il prend. L'Emdadé me dit, ah, votre la gâté. Alors moi, je dis, ça m'a fait. Il me dit, ah, mon cher Mouchita là, il a vu me prendre là sur Mouchita, m'a suivi. Et puis, un petit moment, m'dadé, on bagaille qui. T'as un perspective avec patron l'oreille. Dit, ah, ma André, yo, crasé la vie. Je suppose que c'est deux aiguilles, pas contre les alliés. Je ne sais pas comment on peut éteindre tout le disque là, et t'as quitté le virus. Comme tu as arrêté opérateur, pas capable de pas capable arrêter le disque là que tu as viré. Ah, ben mon cher bagaille, ça fait un effet terrible. Dans le cœur, dans le cerveau, dans le nom, c'est ça, l'image dictature, image fasciste. Parce que pour apporter nos stations, pour craser, briser, et puis de manière aussi incontrôlée, pour la finir pour un monde, ça après m'a prôné. Mais depuis que je crase, je me prôné pour un monde. Ça me suppose, je me prôné avec ça. Pas pour entrer simplement pour venir craser, et on console, on va. Parce que le monde qui a entré pour craser, c'est le monde. Il dit, ah, Mandré, reste le monde qui est là, attendant, je prends. Vu soit ça, ça dit que c'est ton son jour terrible. Mais ça pire là. C'est le lendemain. Je suis sorti quand même demain matin à samedi. Parce que je me dis que les gens qui ont été non, même problème maladie, depuis que je suis mal dormi, mal mangé, je suis mangé mal. Diarrhé. Mais je suis un docteur. Je suis arrivé avec un docteur et puis le docteur a dit mais mon cher, situation terrible, c'est que je prends ma cuisse, je vois que j'ai la fièvre, j'ai tout malade. Et vous prenez le goût à l'UFN, etc. Donc, c'est-à-dire que l'opération, quand l'opération continue toujours. Mais ma bosse est belle. Parce que je suis entré dans l'école, l'école a travaillé, ça me dit ça. Je suis monté sous belle, mon cher, c'était désolation. Tout le monde, il faut craser la radio. Je ne sais pas qu'on est que mon cher peuple ça, et je me toujours dit, j'en sais dernièrement, ou pour te contrer, là où tu fais un petit bagaille dans la radio anti. Non, pas de cola. Pas de cola. Mon cher, et peuple armé radio Haïti en pile. Peuple armé radio Haïti en pile, à l'encontre de certains mondes, parce que c'est pas moi qui personnellement, qui prend absence, non. Absence radio Haïti, absence Jean, à travail qu'on fait au niveau critique. C'est-à-dire que, non seulement politiquement, j'en dérange le monde, même d'où même petit critique sous art, sous peinture, sous littérature. Mon cher, c'était la valse des médiocres. Moun content. Nous voyons le monde qui campait la figure qui dit ma faute. Non, j'en parle là pour préciser la condition qu'il n'est pas capable de parler. C'est-à-dire que je dis c'est un pêcheur de dans sa ronde, mais c'était la ronde de la médiocrité. Mais son bail terrible qu'on vive l'autre bord, ma boue, pendant tout le temps ça. Soi-disant, et il y a un critique, soi-disant, il y a un journaliste. Bon, bien sûr, il y a un monde qui continue à faire travail. Qui continue à faire travail avec sobriété et avec beaucoup de prudence, parce que Tigla, Grien, Dani, il dit qu'il n'a pas accepté ni dialoguer, ni parler en pile avec lui. Je crois que il y a un monde qui continue à faire travail. Mais du côté du régime, c'est-à-dire que ça nous relève, bon, là, quand il y a un intellectuel bousin. Ah, Michel. Nèg prend télévision, nèg prend colonne journalière, yo dit ça yo pito. Bon ça pire de là, gon ané même yo vini comme c'est semaine et joie, yo vini avec 28 novembre, jour de l'Indien. Bon, ça indien. Yo. Bon, c'est-à-dire que nous pas prêter pour nous ta passer, on traite plume pour nous ta effacer trace culture indien dans vie peuple haïtien. Nous pas capable. Donc c'est-à-dire que indien bon pas tout, c'est ton victime impérialiste espagnol là. Bon, nous sommes capables de sympathiser, comprendre par de l'espace et le temps, surtout par de le temps, puisque c'est pas qu'il y a 4 à 5 siècles, Mais quand même, que nèg yo vinn paraît kon y a pour dim que nous indien et ou joine tout un paquet intellectuel haïtien qui a défilé la télévision pour faire nèg konnen que c'est indien et depuis là manger ou manger sous radio mété sous couleur c'est indien. Ça son bail terrible. Comme moi dit ou me pas sous-estimer, me pas capriter pour me dire nous pas de aucun rapport avec la culture indienne, non pas la dire ça. Mais que nèg exagéré alors que tu connais très bien pour qui ça gouvernement te fait ça. C'est ça qui énerve maintenant. Pour que ça gouvernement fait ça, c'est parce que Michel Bennett avec tout son passé pour effacer pour occulter ou date madichon. Alors et blanc français a gomme il est occulté, nous même c'est ça pour cacher, pour foutre en bataille. Toute signification que 28 novembre vient pour peuple haïtien que le jour te levé, yo arrêté journaliste, yo crasé radio haïtien t'es. Donc pour capable oublier ça, yo une passion l'autre bagaille sous lui. Ça c'était une, mais deuxièmement il dégon l'autre aspect encore, c'était courant Bennett là, courant Michel Bennett là qui t'a dominé. Comme on connaît ici, toujours un petit problème de couleur pas fini résoudre, ou bien un faux problème tout, parce qu'ils sont assez nuancés. Selon nous, qu'on depuis 1804, une technique entre deux élites, parce que foutre ni Milat et Vagabond, ni Mounoua Vagabond, tous deux mettent la même bain. Parce que tous deux comptent qu'il est 20 ans sur deux peuples. Donc, mais quand même, ça, Michel, fait, puis c'était qu'un deux, trois mounes anciens du Valier, anciens du Valier de la première, avec ton petit Jean ouais mal, que Jean Côte Marie, à un monde pour clair. Mais bon, par exemple, il y a des vacabotés et tout. Mais il y a besoin de jouer par la couleur. Michel, lui-même, ça le fait qu'on y a. Il sentit que balle à l'encanni, il remet la fin d'hier. Donc, si nous sommes indiens, alors, nous ne pouvons pas entendre. C'est le jour de l'Indienne. Alors, c'est ton façon tout. C'était deux occultations derrière. D'abord, pour occulter, fondamentalement, c'était affaire 28 novembre Radio Haïti Inter. Il y a besoin d'occulter, avec deuxièmement, pour occulter toute influence africaine. Ça, c'est clair, c'est deux éléments fondamentaux pour comprendre l'affaire vine avec vous de l'Indien. Je ne pas dit pour pas maison vous de l'Indien, non. Mais façon de faire, là, je comprends très bien, c'est un démagogie en même temps, tout, c'est un complot pour te faire peuple oublier 28 novembre. Mais entre-temps, 28 novembre 85 arrivé et 28 novembre 85 déchouqué indien. Bon, l'Ichita toujours le camp et toujours pour diable sous sous chaîne masse là. Ouais. Mais 28 novembre 85 la Franck, comment vous même vous t'es vivé? Bon, 28 novembre 85, ça c'est dire que et c'est drôle. C'est drôle. L'autre gardé, on pas veut tomber dans aucun monde vient comprendre que c'est quelque mystique moi il y a bien le monde qui vient superstition. Mais mon cher, c'est drôle l'histoire. Et il paraît drôle. Il paraît drôle d'abord que et deux événements majeurs passés dans deux dates. Tout le monde va pas analyser. Ça fait un petit saut pour analyser. On est capable de sombrer dans le visage. Dis mon cher, regardez deux coïncidences. Mais nous comprenons historiquement. C'est que depuis 28 novembre, ça me dit pas jamais prendre une nouvelle. Ça. Depuis 28 novembre 83, Gola il va fêter 28 novembre lui-même. Ça a été vous dit ça. Et c'est là moi-même, moi dit que mon cher son ville, c'est-à-dire tout pays à qu'on y a, c'est où des chapeaux de vanne. Quand même, vous naïve, son bagage extraordinaire. Que pendant Jean-Claude là, avec toute machine infernale, hein, que monsieur était élève, écrit article qui paraît dans le petit journal Payo, ministre parti. Aller gonaïve avec tout staff éducationnel pour savoir on était timonio dans lycée avec dans collège timonio pas bidine. Donc c'est tout ça tout qui a expliqué 28 novembre ah oui parce que dit qu'on maman allons vieille date on est facile mais je te choisi on refait on rebat 4 là rebat 4 là mon cher ça dit que les qu'on y a et 28 novembre 85, c'est que Timounio était déjà en disposition. C'est toujours connecté avec 28 novembre 81. C'est ça que tout le monde ne connaît pas. Pourquoi ça c'est 28 novembre là? C'est parce que Timounio était disposé à manifester à l'occasion de 28 novembre qui pourrait avoir une signification politique. Comment est-ce étonné dans le film, Franck, et vous-même qui était là, qui est capable de suivre fil là mieux que nous, capable de dire sa réponse là. Et pour nous, nous sommes un paquet jeune. Un paquet jeune qui fait 28 novembre 85. un paquet de jeunes qui potko qui à peine des petits bébés. Là ils mettaient dehors il y a 5 7 pas des petits bébés mais en tout cas ils étaient petits moun. C'était 10 ans, c'était 12 ans. Et pour yo date là tu voulais dire un bagage. Et si ça me pas comprendre, si ça peut-être qu'on capable expliquer. Bon, là son parce que 5 ans, 5 ans c'est pas rien dans vie un adulte, dans vie un petit moun, dans vie un adolescent. Eh bien, ça, c'est une grosse question. Et là, il y a pile d'études qui sont capables de faire ça. Parce que moi-même, vous connaissez un métier, moi, c'est professeur de l'école, moi, directeur de l'école depuis 26 ans. Il y a deux bagailles qu'on y a qui sont fondamentales et qui sont importantes pour nous. C'est d'abord les provinciaux qui refusaient marginalisation, c'est-à-dire sous bonne touche là, on parle les bons créoles, le mettre dehors sous bonne touche et puis match football là jouer, on va applaudir. Comme François Passeville et tout chef d'État haïtien depuis 1804 Passeville après ramasser malheureux et pas pas de gagner camion, j'ai pression de compte pour sous foal, par contre ça faire pour marcher à pied, traîner ou la cour esclave enchaîné, mais avec affaire transport camion. Il va être bien à l'aise, peut-être depuis sous Vincent, ramasser au point. C'était merci papa Vincent, et Boulon Vincent. Merci papa Lesco. Estimer c'est même, Magloire c'est même. Alors Duvalier lui-même, c'est quintessence en politique qui a pratiqué depuis 1804. Et c'est ça qui fait que je crois, c'est un petit parenthèse, mais je vais retourner sur cette question-là. Je crois que un monde fou, tout bon Michel est fou, s'il comprend que après Duvalier, il est capable de rééditer un petit Duvalier au petit pied. Parce que Duvalier usait une pratique politique. Parce que mon niveau, mon degré où mon pote en pratique, lui usait net. Pas capable de se faire encore, à moins qu'on détrompe. Et moi, c'est évident qu'il y a là, non, pas quatre manifestations qu'on a pour elle. Et tout orienté vers une grande bagaille, ça y aurait des duvalierisations, mais ça y aurait à Bamakout. C'est ça, à Bamakout. Donc, il y a fait province là. Parce que scène politique, là, c'était Port-au-Prince. Et puis, on mettait mon nez sur ligne de touche, Foula, pour applaudir. Et belle jouet, belle maillot. Je refusais qu'on y ait. Il dit, c'est pour t'équer ballon, tout. C'est pour foutre ballon. Et remarquez que, provinciaux, depuis l'année passée, ils ont mobilisé. Ils n'ont pas jamais démobilisé. Ils sont sous bœuf, ils sont sous benzin. Ça, c'est bon. Donc on a la question jeune. Nous t'ai toujours dit, et par moment dès qu'on l'a donné, peut-être pas dit publiquement, mais l'aime a fait qu'on l'a élève moi dès qu'on dit, oh, bon, pour le général, c'est moi, c'est mon guide d'assemblée, sous François Duvalier, qui était Toro Grondé, et Jean-Claude, la petite tigre, mais c'était si Duvalier le délit, que Vacabon de bon côté l'a fait sa vie, mais François, c'est lui qui a décidé. Mais depuis sous François, moi-même, des professeurs lycée Pétionville, je me suis dissemblé. Donc, je me suis campé dans la classe, et c'est bagaille, tout le monde connaît, les élèves, anciens élèves qui viennent de témoigner. Je me suis campé, je me suis dit, bonne foutre génération du Valier. Nous pas foutre capable de faire rien. Mon cher, c'est pour me photo critique, moi, je dis à me saisir. Avec. C'est comme un dadou, non? Puisque c'est pour montrer que n'est pas facile pour m'expliquer au lit, c'est ça fait m'oublier tout ça. Puisque moi-même, dès qu'on a reproché, ni apathie, ni corruption, ni à mon chien bagarre en tête, non, c'est pour les générations du Valénier, vous avez l'âge du régime. Dès qu'on a dit ça. Dès qu'on fâche ce coup de guerre, pas la même direct, non. Mon cher, l'aime rendre compte qu'on y est. Que si mon se faire de là ce mouvement. Et c'est ça qui passait, Michel, son bagarre important. Que leader, moi-même pas leader, mais que leader, parce que m'obligé, je dis à 28 novembre, il y a certains bails pour me dire, que certains leaders continuent à fonctionner comme par le passé, alors qu'ils ont face une mutation société haïtienne, où Timounio, motivé, avec tout peuple, là, tout parent, toute famille, toute province campée, dit que nous pas qu'à continuer à vivre comme ça. Nous pas qu'à 90% de monde qui vivent en cours. Nous pas qu'à 95% de monde qui va à l'école. Nous pas qu'à gagner monde qui dormi sur galère. Nous pas qu'à gagner monde qui va joindre l'hôpital pour y aller. C'est ça, vous dit. Et vous disposez, prends la route parce que vous constatez que vous mourrez le 28 novembre. Vous mourrez l'autre date tout. gang vient mourir là tout l'autre jour, mais 28 novembre là, il prend la rue, ti moun qui mouri. Et au contraire, bien qui quantité d'âmes Jean-Claude de gain avec 300 000 macout ou même si dans 300 000 là, il y a 150 000 apatiques, mais quand même tu gain au moins un tiers là dans tes disposé tuer moun. Parce que m'pa ka dire tout macout qui t'est tuer moun, mais au moins tu gain un bon 50 000 qui t'est disposé massacrer. Ti moun prend la rue quand même. Et puis moi juste qu'on y est, n'est pas les manifestations du des bureaux. Michel, c'est pas possible. Non, Michel, c'est pas possible. Moi-même, pas, pas leader politique. Ou bien, vous voyez l'aide par les médias, puis attendre que radio, que radio, radio, pas tant pour vous. Moi-même, je ne suis pas d'accord avec ça, et moi-même, je fais déclaration aujourd'hui. Je ne suis pas homme politique, dans le sens courant. Je ne suis pas dans la dîme politique, tout le monde dit en politique. Mais je ne suis pas en pratique politique comme si je suis leader, pas leader moi-même. Mais Michel, soyez sûr et certain. Si, on joue. Pas bonheur, pas mal, m'ta décrété que m'sais leader, ben m'senti que m'sais leader. Y a pété fal moi dans la rue Port-au-Prince, quand m'met 200, 2000 moun de yo, passe m'devant. M'pa ka comprendre que nèg yo chita la cage, yo de bureau yo, et puis y a demandé pour moun faire manifestation pour yo. Côté yo yé, parce que moi m'songe Malraux en France, il tape défendre le gaulliste, les manifestations faites, il te campé. Et même avant l'il pas au pouvoir, parce qu'il était au pouvoir, t'as été facile pour sortir. Parce que bon ici bon là quand nous tout gagne même que le gouvernement même le gouvernement peut défendre tout pas prendre la rue pour personne non bon ici n'est pas prendre la rue ni pour A ni pour B c'est le peuple a voyé prendre la rue pour contre lui donc ça crivé même avant que Malraux était ministre de la culture de Gaulle monsieur était montré homme d'action depuis l'an époque les Allemands la résistance depuis avant résistance en 36 Malraux avec Cob livre Livan que nèg la monte une escadrille pour l'attaquer pour aller des militants qui gourmer contre le fascisme et Franco de Franco. Mais c'est ça m'entendre porter j'ai ça que Michel refuser qualificatif d'intellectuel dans sens haïtien. C'est-à-dire intellectuel qui gagne pour vertu de penser pour les autres comme dit il déjà dans Pelletel la penser pour tout ton pays. Quoi que intellectuel a l'air lui-même qu'on y a pour comprendre que une théorie qui pas mal avec une pratique, une idéologie qui pas mal avec une praxis, c'est-à-dire que pour la rue, tout beaucoup de peuple là, pour le peuple à sentir qu'on prend même coup de fusil avec lui, on voit que les choubaïs ça réalisé, peut-être nous connaissons un gros bagaille. Parce que nous sentons cette. Pas qu'à compte si c'est l'acheter, pas qu'à compte qui j'ai pour me lire, caille, monsieur intellectuel. Et qui fait que. Mais est-ce que je vais être la changer, il n'y a pas qu'on ait le changer. Mais c'est ça, il n'y a pas qu'on ait le changer. Il n'y a pas qu'on ait le changer, n'est-ce pas qu'on pense à lier. La paix élaborée et. Mais n'est-ce qu'elle a oublié que même Mao, l'aime, je t'ai élaboré tout et théorie. Même Mao, tu fais la longue marche, oui. Monsieur fait la longue marche. Il va aller combien de milieux qui te font faire, te faire. Et ça crivait que Timoun Yokounia, et c'est une peut-être, pendant que son point fort, dans la situation actuelle, son point fort pour le secteur progressiste, que le peuple a mobilisé, mais en même temps, tous, vous mettez. Je crois que c'est une faiblesse dans le maillon. C'est une maillon faible là, que l'intellectuel n'a pas senti nécessité, ou bien en particulier, je ne vais pas dire intellectuel, parce que moi, son mot, quand il y a une connotation négative, disons que monsieur Clider, qui n'ont pas pratique quotidienne de la politique, que n'a pas encadré le peuple là. Et c'est ça que le peuple là, pourquoi je me sens tout le grand leader. Pas grand monde qu'on y a. Dans le paquet de 200 000 candidats ou bien monde qui leader politique, il doit permettre qu'on y a pour dire que il est capable de mettre 300 personnes en bon pot électrique pour connaître pour y remettre parce que le peuple n'a pas croit dans eux. Et moi, pile qui comprend qu'il est capable de triomphaliste à récupérer le mouvement, c'est mon fait peuple ici, c'est mon fait peuple l'autre. Bon, mon cher que monsieur Chita réfléchit. Comme ses penseurs, oui, qui a réfléchi. Donc, à fait, Timoun, c'est ça son élément nouveau que Timoun, parce que ça vient arriver. Pendant que Nap dit que Timounio, ils ont l'âge du régime, nous ne croyons pas que c'est capable d'agir. Mon compte a bien passé, Michel. C'est qu'au fond, nous-mêmes, plutôt, ou en pile dans nous, c'est nous-mêmes plutôt qui sommes pourris. Parce que nous-mêmes, nous sommes pas pourris par le duvalérisme. C'est sacrifié. Car pile là-dedans, puisque quand nous-mêmes, on dirait que Daniel doit dire nous presque faire. Qu'est-ce que c'est l'accoutumance? On dit que tu as un peu de l'aise, gueule. Vous avez un peu de bagage qui te paraît tellement normal. Ça peut être normal. Mais génération, ça paraît. et puis demander lui-même l'autre bagaille, il vient avec rêve pas, il vient avec et tout est illusion partout parce que nous connaît que pas grand qu'on marcher sans imagination, sans illusion, sans un peu de folie. Ou capable critiquer ou que ou pas une discipline. Parfois tout même a fait peuple là que critiquer bon croiser machine, on pas d'accord que peuple croiser machine mais faut moi comprendre parce que depuis 1804 Michel peuple en babois. Même dans les personnes relées. Même dans les personnes relées, c'est l'anarchie. Alors que Haïti vit depuis 1804 de l'anarchie. Alors c'est pas un anarchilier que 90% monde pas qu'on lit pas qu'on écrit, 80% monde pas l'école, 80% chômeur, pas gagner l'hôpital. Alors ça vient de l'anarchie. Alors c'est qu'on crase machine, c'est qu'on crase machine on petit bourgeois et puis tout les relé, oh c'est l'anarchie. Parce que fonctionnement petit bourgeois fonctionne quand soit dans les alliés, il y a trois bails en ville que monde pas moyen. Pas moyen machine, pas moyen femme ni, pas moyen caillou. Mais pas jamais compte que le peuple n'a pas même bien caillou même. Ça c'est pas tant d'achille. Donc 28 novembre ça que n'a fêté aujourd'hui hein. Moi crois que c'est non seulement faut nous considérer son jalon et comme tout jalon son charnière lié. Son charnière ça passé et qui commençait depuis 28 novembre qui était pas être au grand jour. Il était commencé à fête déjà avec toutes émissions pas oublier et balla fini enfin monsieur bon appétit et c'est pas régie bien pour compte nous et que le peuple t'a suivre. Donc, je ne vais pas dire que c'est 28 novembre même qui était plus important, mais tout le bagage qui était avant 28 novembre, le 28 novembre est important. Et moi-même, je m'assure, depuis monsieur fait 28 novembre, 3 ou 4 jours après, pas même jour parce que je me débranlé. Je ne vais pas mentir, je ne vais pas dire avec moi-même, je ne vais pas le cacher, mais je me débranlé. Je me débranlé pendant 2, 3, 4 jours. D'autant plus que je me même des amis qui passaient devant la caméra, pas même quand qui peut entrer la caméra. Donc, ça te fait mal tout. Que des mouns oublient avec yo. Michel disait les mapo la douleur, c'est une expérience personnelle. Oui, ça peut ça à Noël dans les yeux mouns pendant 3 ans. Ah, son mal personnel, dit que mouns ne peut pas contact avec vous. On ne peut pas vous nous pestiférer. Oui, même à l'étranger. Ah, c'est terrible. Donc, je me suis rendu compte de l'importance de l'acte là, et je connais bien ça, parce que au fond, c'est lui-même qui mène Jean-Claude Allé. Tout ça vient faire derrière yo. Tout enraciné, branché, sous 28 novembre 14. Et on est bon bah la pour défendre le monde pas pour fleur personne bon bien monde qui a pris de réserve sous lui moi c'est problème joli cœur on monde capable passer sauf les gobelins moblin a été le seul 2 ou 3 mois après moi pas croire que monde ta cap dit c'est Jean-Claude qui te paye le moi pas croire que Jean-Claude te paye pour te faire ça il a été le seul à déplorer et de manière sincère l'absence de Radio Haïti Inter, l'absence de gens et l'absence de tous les journalistes de valeur qui ont été expulsés à partir du 28 novembre. Donc, oui, il t'a dit publiquement, non, publiquement, région, plusieurs fois, et m'te senti le fait de la presse. Je m'étais senti sincérité là, Kaili. Je n'ai pas besoin qu'on ait mon ici, bon, il y a un bonnet, il a fait garder, je ne sais pas, a dit qu'il était pas encore, je ne sais pas. Mais seulement, je connaissais les seuls qui déparaient. J'ai dit, monsieur, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'il fait la mise à faire des journalistes. Côté journaliste, il n'y a pas là. Donc c'est un bien joli fait de dire. Mais bien avant ça, moi-même, j'ai senti que date ça a débouché son bagage. Ça a débouché son bagage. Et je me suis dit, 28 novembre passé, peut-être vers 4-5. Bon, je ne vais pas dire tout de suite, parce que moi, je me suis ébranlé. D'autant plus que le 1er mai d'août, ça, 1er décembre, je viens arrêter le professeur de la carrière. Je viens prendre Clitane. C'est-à-dire que déjà pris Clitane qui était professeur sans social de la carrière. Je viens prendre un professeur qui est Paul Laurent, qui est déjà malheureux, qui a déjà fait 9 ans en prison. Il a fini de ramasser les nègres là, pas dans l'école là, mais au moment où il a sorti l'école là, à midi, il y a eu des nègres là. Il y a la velle. Qualité de lui, Bouadil, bon, je ne sais pas si la gueule à tout. Bon, toutes les sommes brûlées, mais là, je commence à venir jambé. Je connais que le cyclone non qui j'ai apaisé, c'est vers le 4-5 décembre. Parce que là, ça, ma première nouvelle et impact. Et retombé 28 novembre à l'extérieur, il me dit, ah, et patron Ticopio désapprouvé. L'aime commencé à sentir que l'équipe l'a fait erreur, c'est-à-dire l'équipe qui t'a boulé de ça, et Terachi, le Chanoine, toute l'équipe Negio, enfin, machine infernale là, je me rends compte que son grave erreur qu'on fait, c'est là qu'on y a retombé ma première nouvelle dans la presse étrangère. Parce que le grand patron, il n'y a pas aimé que vous faites cocombe, vous faites mazette. Il n'y a pas aimé que agir dans ce sens-là. Mais rangez quoi pour matin. Dès que vous faites erreur, il a go. Nous avons commencé à sentir progressivement, nous avons bon bagaille, bon grain de sable qui est entré dans le grenage là. Ma prenne nouvelle laisse à Brisson, qui était assez courageux, il montrait côté au bateau. Ça t'est arrivé, nous est arrivé. Mon cher Célèbre commence à jambes 5 décembre, 6 décembre. Il me dit, ah, il va pas foutre paix, mais tu connais, mais t'as passé sous coup. Parce que c'est au fin de ferme, parce que si on arrête 20 personnes, on expulse 200 personnes, je ne vais pas mettre tout le monde encore plus. C'est les années souffler. Mais, quand même, le peuple a été frappé. Et c'est ça qui était. Comme Abdulim te dit, Jean, déjà, peuple haïtien, le petit peuple, les gens humbles. Et ça a montré tout que le peuple a. Vieux bagaille a parlé parfois, problème couleur, le peuple a connu un assassin. Le peuple a connu qui monte des mille, qui monte des pas mille. C'est ça qui est important. Radio Haïti, c'est ton véritable deuil. Le peuple a croisé radio. Vous savez de dire ça? Il a croisé radio, il vient transistor, croisé ça. Quand le peuple a venu reprendre radio, les radios soleil oui. Viennent relayer le travail de Radio Haïti, ils poursuivent. Et ça, il faut nous rendre hommage tout, ah, parce que chaque 28 novembre, moi connais Radio Soleil, pas bah aucune information ah, ouais. En souvenir de. Journaliste, tu voulais aller. Ah, mon cher, c'est ton bagage. C'était Radio Soleil qui paraît, et puis le peuple là, laisse à sentir plus ou moins, ils vont y avoir d'espoir. Mais à faire radio, que mon avis nous capter, pour quitter mon avis nous faire des magots, je vais pas voir, il va te la donner. Et moi-même, personnellement, sous Belém, je vois un pile monde qui criait, qui réellement t'est attristé. Mais l'histoire, il faut te commis, parce que c'est ça tout. Et il y a l'intervention humaine, il y a la volonté humaine, mais nous connaissons tout bon bagage que blanc et la langue à savait le déterminé historique. Et moment pour te corriger, mais franchement, Michel, pour sortir de 28 novembre 80, arriver à 28 novembre 85, qui vient nous déboucher sur 7 février, son seul coup de pied a été. C'est le même coup de pied, mais qui continue. Le temps pour devenir shooté, que ma carte là. Alors, on ne côté qui a tombé, ni côté Kouaï. Mais le fait est que, quand même, nous pas qu'à dire que le problème est résolu, nous pas qu'à dire que 7 février, pas rien. Au moins que mon cac l'a cassé. Au moins que le cassé. Fang Etienne, merci.